On va parler de soccer, évidemment. On devait se parler hier, mais on n'a pas été capable de se parler. Mais là, on va se parler aujourd'hui parce que c'est vraiment, les gens sont furieux. On voit ça sur les médias sociaux. L'impact de Montréal qui a échangé Laurent Simon au FC de Los Angeles, la nouvelle formation, tout de suite après le repêchage d'expansion. On en parle avec notre collaborateur d'EspaceSoccer.com, Benoît Lavoie. Salut, Benoît. Salut, Danny. Benoît, les gens sont furieux. Et je pense qu'avec raison, hein? Ben, écoute, je pense que c'est décevant un peu aussi. Oui, on peut comprendre le projet sportif, le nouveau projet. J'ai écouté la conférence de presse qui a eu lieu avec les médias montréalais et puis tout ça. Moi, de mon côté, vu de loin ici dans le coin du lac Saint-Jean, je pense que c'est une déception un peu aussi quand on a vu, quand on avait entendu dire que Laurent Simon allait finir sa carrière avec le club de l'Impact de Montréal. Il s'en venait au Québec où il avait même fait une demande pour devenir citoyen canadien. Je crois qu'il n'a pas encore parlé. J'ai vu un article sur Radio-Canada qui a passé, là, qui était très déçu de par son agent, je crois, là. Probablement qu'il va parler dans les prochains jours. Mais oui, c'est une grande déception. Puis les fans aimaient beaucoup Laurent Simon. Est-ce qu'il y avait de... Il faut se poser la question sur cet échange. Est-ce qu'il y avait des conflits à l'intérieur du club déjà? Ça, je ne sais pas. OK. Quand on écoute René Garde, le nouveau sélectionneur, le nouvel entraîneur de l'Impact, ce qu'on entend dire, c'est qu'il y aurait vraiment... on lui a recommandé de faire ça. Donc, j'imagine que c'est Joey Saputo qui a passé par en arrière le message qu'il faudrait que tu te débarrasserais de Laurent Simon, hein? Ah, on lui a recommandé. On lui a recommandé d'amener un nouveau projet avec le club. Alors, au niveau sportif, alors sur le terrain, quand on dit du niveau sportif, on vient bien parler là, de l'équipe en prototype, vraiment, quand on va arriver pour jouer les matchs. Alors, je crois que, oui, effectivement, Laurent Simon n'a peut-être pas connu sa meilleure saison l'an passé. Maintenant, est-ce qu'il était bien secondé en défensive centrale? C'est la question qu'il faut se poser. Les joueurs qui étaient avec lui, est-ce que c'était vraiment le bon profil de joueur pour amener l'équipe à bon port? C'est la question. C'est sûr que c'est un gars de 32 ans aussi. Maintenant, oui, la surprise un peu, c'est de ne pas voir Adam Braz ou peut-être Joey Saputo venir faire parler de l'échange. Mais je crois que là, il faut penser que l'Impact s'en va vers un nouveau projet avec Rémi Garde, justement. On a vu des nouveaux entraîneurs, un nouveau staff qui s'en vient à Montréal. Je pense que il faut y aller dans ce sens-là au niveau sportif sur le terrain. Maintenant, au niveau humain, j'ai vu les questions qui ont été posées à Rémi Garde, justement. Je crois que là, par rapport à ça, peut-être qu'il y a eu un manque encore. Ça ramène un peu l'histoire de Drogba aussi. Alors maintenant, au niveau de l'Europe et tout ça, le club, l'Impact de Montréal, peut-être qu'à un moment donné, le message va circuler à savoir ça vaut-tu la peine d'embarquer dans un projet avec ce club-là. Ça peut devenir un questionnement pour certains, pour des joueurs. Parce que ce qu'on sent, c'est la trahison. Hier, j'écoutais Jean Ruisseau qui est l'agent de Laurent Simon. Lui, il se sent trahi par l'organisation parce qu'on sait que la fille de Laurent Simon est prise de l'autisme et il s'en est jamais caché, Laurent Simon, pour dire que il est venu en Amérique du Nord pour les soins de santé du Québec. Donc, certainement qu'on sent mais en même temps, ça fait partie du sport aussi, là. Et je pense que Laurent Simon l'a même pas appris par l'Impact de Montréal, là, pour là. C'est ça qui est un petit peu déplorable là-dedans. La suite des choses, maintenant, il y a plusieurs joueurs de l'Impact qui sont pas de retour, hein. Tu sais, regarde ça, là, c'est incroyable, là. Le camp d'entraînement commence dans 5 semaines. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Patrice Bernier ne sera plus là, Bernardello ne sera plus là, Hachoum Kamara ne sera plus là non plus, Laurent Simon ne sera plus là. Il y a beaucoup de joueurs, là. Ben, c'est un changement complet, c'est un nouveau projet. Je pense que le fait d'avoir amené le Français, justement, Rémi Garde, je crois qu'on s'enligne vers de nouvelles horizons pour l'Impact de Montréal, là, Dani. Les joueurs que tu as mentionnés, c'est décevant, ils ne seront plus là, mais en même temps, il faut comprendre que ce n'était pas des jeunes non plus. On parlait quand même de l'équipe, une des équipes les plus âgées en MLS. On a voulu continuer avec cette formule-là l'an passé. suite aux séries et la saison qu'on avait connue l'année dernière. On a fait confiance encore à ces joueurs d'expérience-là. Mais là, forcé d'admettre que là, on va y aller avec nos jeunes Québécois, Piet, Jackson Hamel, peut-être Balou aussi. Et sûrement que Rémi Garde va arriver avec de nouveaux noms, de nouveaux joueurs français et peut-être de joueurs désignés aussi. Il faut l'espérer aussi parce que veut pas. Ben ouais. Il faut regarder, oui, on va regarder le côté du terrain, mais on va regarder le côté assistance aussi. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du ciment? Les gens peut-être n'accepteront pas si facilement que ça, cet échange-là. On avait quand même un attachement avec ciment. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on aille chercher un gros nom pour ramener aussi, pour remplir le stade. Hein. Il va avoir du travail à faire à ce niveau-là aussi. Ben, effectivement. Donc, on va suivre ça de très, très près. Du côté de la Coupe du Monde des clubs, ça se passe actuellement. La Coupe du Monde des clubs, on se rappelle, c'est les gagnants de toutes les ligues des champions du continent. Et la finale est samedi. Oui, la finale est samedi. Hier, justement, je regardais le match entre l'équipe de Haute qui avait causé une surprise en se rendant en demi-finale. Tu sais qu'on invite les six continents. Ouais. À l'endroit, la ville où on, dans le pays où on fait la coupe, alors on invite le premier, le champion de ce championnat-là. Et là, on a trouvé sur un club, la coupe était aux Émirats Arabes Unis, alors Al Jazeera Club, qui a joué en demi-finale hier contre le Real Madrid. Ils ont pris les 20-0. J'ai regardé un petit peu les faits saillants du match. Ils ont pris les 20-0. Et par la suite, Ronaldo a marqué un but. Et c'est sûr que le Real Madrid dominait le match au niveau de la possession du jeu. Ils ont marqué en fin de match. Donc, le Real Madrid qui l'emporte dans une demi-finale de 2-1. Et de l'autre côté, mais comme je l'ai toujours mentionné, le club sud-américain a remporté dans le temps supplémentaire 1-0 le club de Grêmio au Brésil qui a battu le club Pachuca. Pachuca, ça c'est le club que l'Impact a déjà affronté, ça, en Coupe... Donc, pourquoi est-ce que le club Pachuca est là? Parce qu'ils ont gagné la Ligue des champions CONCACAF cette année. Donc, c'est eux qui représentaient la zone CONCACAF Amérique du Nord. Et ils se sont inclinés en supplémentaire, quand même un bon match, 1-0. Donc, faut quand même penser que le club Pachuca est un bon club de football aussi. Donc, la finale va avoir lieu samedi entre le club brésilien et le club espagnol du Real Madrid qui vise un deuxième titre consécutif. Là. Alors, ça serait quand même, je crois que le Real Madrid veut quand même remporter cette victoire-là. Là, on va la prendre au sérieux, cette finale-là. OK. Le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, 5e Ballon d'Or. Ça, c'est... Écoute, c'est... Il y a lui puis Messi. Hein. C'est vraiment incroyable hein, comment que ces deux-là dominent la planète foot. Ben, c'est depuis 10 ans, Danny, j'ai justement acheté une revue spéciale qui a été sortie par France Football, justement, juste sur ces deux joueurs-là, Messi et Ronaldo, un petit peu avant l'annonce de Ronaldo. Il faut comprendre que cette année, c'était pas une année de Coupe du Monde ou Coupe d'Europe ou de Coupe continentale. C'était une année où les journalistes se fient un peu plus, c'est au niveau de la Ligue des champions, des championnats européens. C'est ça qu'on va regarder. Et Ronaldo, ben, a remporté une Ligue des champions, a remporté le championnat de la Liga espagnole et puis la Coupe du Roi aussi. Donc, Ronaldo était le candidat numéro un là, cette année au niveau du Ballon d'Or. On sait que l'année que le Ballon d'Or, depuis 2 ans, est revenu en France parce qu'à un moment donné, la France Football avait fait une entente avec la FIFA. C'était le Ballon FIFA, Ballon d'Or FIFA. On est revenu aux anciennes, à l'ancienne méthode, juste les journalistes qui votent pour ce titre-là. Et là, c'est Ronaldo qui remporte son 5e Ballon d'Or. Et là, cette année, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer parce que là, on va être dans une année de Coupe du Monde. Alors, ça va être intéressant de voir si Ronaldo ou de Messi, est-ce qu'il va avoir un troisième joueur style Neymar? Neymar a terminé en 3e position dans le classement. Alors, j'ai hâte de voir la prochaine saison, le prochain Ballon d'Or. Ça va être intéressant à voir. Et là, il faut s'entendre que Messi et Ronaldo, c'est 5-5 dans les... dans leur Ballon d'Or. Effectivement, donc c'est à peu près comme dans le temps Gretzky le mieux. Si on peut comparer ça, là, c'est à peu près pareil. Sauf que Messi, il reste autour une tâche que maintenant, c'est qu'il n'a pas amené son équipe à une grande conquête. Donc, mais heureusement, il s'est levé quand l'Argentine a passé un cheveu de pas faire la Coupe du Monde. Et il s'est levé quand c'était le temps. Benoît, je veux t'emmener sur la scène régionale. Il y a un débat sur le centre Georges Vézina actuellement pour la construction d'un nouvel amphithéâtre. Puis on parle d'un centre multifonctionnel. Serait-il possible de faire un méga centre avec un nouvel amphithéâtre, une autre glace, puis puis du soccer, puis 4-5 terrains de soccer? Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Ben, c'est quelque chose qui serait envisageable, mais Danny, on va parler de coûts incroyables. Là. Ouais. Parce qu'on veut, quand tu parles du centre Georges Vézina, on veut-tu un nouvel aréna avec 4-5 000 places? Oui, c'est deux projets communs là, qui pourraient se marier, parce que là, c'est faut dire que le dôme intérieur de soccer, il n'y en a plus là, actuellement. Là. L'ancienne administration l'a laissé tomber. Donc, est-ce qu'on certainement que si on fait un centre multifonctionnel, ça peut avec du soccer, ça pourrait être plus vendable, non? Ben sûrement, mais c'est une question de coût aussi, c'est une question d'argent, tout ça, là. Je crois que les gens à Ville-Saint-Denis vont s'asseoir puis ils vont avoir des réflexions à ce niveau-là. Maintenant, c'est sûr que du côté du soccer, on pousse. Quand tu dis la ville a abandonné le projet, mais c'est un peu le projet, c'était un partenariat surtout privé avec la ville. Ouais, puis. Le partenaire privé a débarqué, je crois, parce qu'il avait assez il avait assez les sous pour aller plus loin dans son projet. Il y en avait un décédé aussi là-dedans, faut penser, là, il y en avait un qui était décédé, là. Ouais. Un des partenaires. C'est sûr que ça a retardé le dossier. Alors, à ce moment-là, c'est à voir. J'ai l'impression qu'il va y avoir des rencontres assez rapidement. Puis, de quel côté on va pencher la balance? Est-ce qu'on va aller... la demande, est-ce qu'elle est plus forte du côté du soccer que du hockey? Est-ce qu'il va y avoir une réflexion sur, comme tu viens de mentionner, de faire les deux ensemble? Tout est en lien avec les coûts. Je crois que la ville de Saguenay, les gens sont en mesure d'avoir ce projet-là. Pour leur ville Saguenay, qui est quand même une des 10 grandes villes au Québec. OK. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Jean, on se reparle bientôt. Yes, salut Danny. Benoît Lavoie.